cours numéro 10. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhadna fi darsina ba'd al-asma' lillahi 'azza wa jall. Fa'indama nal ism al-awwal. Tafaddal. اسم الحق الحق ما الدليل على هذا الاسم الدليل قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق نعم ذلك بأن الله هو الحق ومعنى هذا الاسم عند من تفضل قوله حق ودينه حق ورسوله حق وكتبه حق نعم هذا فالحق سبحانه وتعالى أي في ذاته وأفعاله وكل ما جاء من عنده عز وجل فهو الحق que ce soit le din, que ce soit ses rasuls, que ce soit al-kutub, hukmuhu, haq. Jamia, asma'ihi wa awsafihi wa af'alihi azza wa jal, c'est le haq. Limaadha li anna Allah azza wa jal, c'est le haq. Et al-haq azza wa jal, tout ce qu'il fait, c'est le haq. Thumma khadna ism al-hakam, et on avait rajouté avec le haq, on avait rajouté un autre ism, mahu, indaman tfaddal, al-mubin. نعم الحق المبين ما معنى المبين زيد نعم الذي يبين الأشياء ويوضحها فالله سبحانه وتعالى إلى غيره هذا الدين بالحق هذا الدين في غاية الوضوح والبيان هذا اسم عظيم المبين السوفان لستابك الحق ثم أخذنا نعم اسم الحكم ما الدليل على هذا الاسم عند من الذين ما جابوا تفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم أحسنت إن الله هو الحكم وإليه الحكم فالله سبحانه وتعالى هو الحكم وهذا الحديث تقدم معنا في كتاب التوحيد أي في ما يتعلق بالكنى أبو الحكم قال عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم ثم أمر ذلك الصحابي رضي الله عنه بتغيير كنيته فقال ما لك من الأولاد فقال فلان وفلان ثم إلى دي أنت أبو شريح ومعنى هذا الاسم عند من؟ نعم جد؟ نعم أن الله عز وجل يحكم بين عباده بالقسط أي بالعدل ولا يظلم أحدا عز وجل فهو الحكم وإليه الحكم وذكرنا بعض آثار هذه الأسماء فمن يذكر ما يتعلق بالحق تفضل يحقكم كل أشياء من الجاهلين ماذا أعد يحقكم نحن نحقق كل أشياء من الجاهلين ما لا بس نعم أن الإنسان يعظم هذا الحق فمثلا من الحق أن الله عز وجل أمر بالعبادة أمر بعبادته وحده عز وجل لا شريك له ذلك بأن الله هو الحق دونك مقتضى هذا الاسم أنك تتعبد لله عز وجل بتوحيده كذلك تعظم شريعته كي فوندي سور الحق كذلك إذا حصل نزاع وخلاف فتغفين أحق لأن الله عز وجل سي الحق وأمرنا باتباع الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فتسكي لستي على فان وقولي الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر si tu as compris le sens ça va impliquer des choses الإيمان بالله وكذلك توحيد الله سبحانه وتعالى كذلك أن تتعبد لله عز وجل بالحق tu suis الحق tu recherches الحق tu détestes ceux qui rejettent الحق tu aimes ceux qui suivent الحق وهكذا والحكم الذين ما جابوا تفضل من آثار هذا الاسم ما نعم أي سوف revenir les deux points qu'on a cités souvent الخوف والرجاء وفي الحكم on a cité كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه تفضل نعم أن الله سبحانه وتعالى شريعته سالحق فالواجب على الجميع سالحكم بما أنزل الله عز وجل. Si on est convaincu que c'est le haq, فالإنسان يلام الحق فأنا أمي هذا الحق. C'est pour ça que celui qui déteste Sharia Allah Azza wa Jal, c'est pas un mu'min, c'est pas un musulman. Même s'il fait salat, même s'il applique certaines adorations, c'est pas un musulman, celui qui déteste Sharia Allah Azza wa Jal. Non. Ou celui qui pense qu'elle est plus adaptée, ou celui qui pense, ayyadan billah, que qawaneen al-ibad afdal min hukm Allah Azza wa Jal. هذا الحكم كي يفندس الحق كما تقدم هذا لا شك أنه نقض إيمانه. C'est pour ça que من يعتقد أن الله عز وجل c'est le حق, c'est le مبين, c'est الحكم, c'est الحكيم كما سيأتي معنا. فالواجب عليه c'est التطبيق, تطبيق الشرع الله عز وجل بقدر ما يستطيع. قال رحمه الله تعالى الحكيم هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره الذي أحسن كل شيء خلقه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحكيم اسم من أسماء الله عز وجل, وهذا الاسم ذكره الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه. Ce nom الحكيم il est cité beaucoup dans le Coran. منه الverse qu'il a cité المحقق قال ودليل هذا الاسم قال الله تعالى إن الله عليم حكيم. Et bien sûr tu trouveras des dizaines de أدلة على هذا الاسم. أما المعنى le sens, فالشيخ سعدي رحمه الله قال الحكيم هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره الذي أحسن كل شيء خلقه. فالحكيم سذو الحكمة سلوكي الحكمة, وقال هنا الحكمة العليا في خلقه وأمره. دونك سيأتي معنا بعض التقسيمات من كلام الشيخ سعدي مهمة, أن الحكمة اللي أخلق أي ركخياسيون, أي أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق بحكمة وبإتقان. وسيأتي معنا كذلك ينوضح معنا مهمة أن الشرع الله عز وجل اللي فندس الحكمة لأن الله عز وجل الحكيم. قال فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدى. Tu as les deux points qui sont cités الآن, الخلق والشرع. فالله سبحانه وتعالى c'est le خالق, c'est lui qui a tout créé بحكمة. Et Allah سبحانه وتعالى هو الذي يشرع لعباده ما شاء. الله سبحانه وتعالى c'est lui qui légifère ce qu'il veut. Et cette création et cette législation, Allah subhanahu wa ta'ala il a fondé toutes ces choses sur le hikmah. فلهذا قال لا يخلق شيئا عبثا أي بدون فائدة. العبث c'est quelque chose qui n'a pas de فائدة, quelque chose d'inutile. فالله subhanahu wa ta'ala خلق الخلق لفائدة عظيمة ولحكمة. C'est pour ça que chaque chose que tu vois, tu entends, que tu connais ou que tu ne connais pas, min khalqillahi azza wa jal, toutes les créatures, il y a une hikmah. Une hikmah azima. Ahyanan na'lamuha. La hikmah du soleil, la hikmah des océans, la hikmah des... Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les poissons, les animaux. Fal hikmah la wadiha. Et ahyanan ba'd al-umur, rubama takhfa al-hikmah ala ba'd al-nas. Lakin, si tu as compris hadha al-ism, tu n'as aucun doute, Akhi al-Karim, أن الله عز وجل خلق كل شيء بحكمة. فلهذا قال فلا يخلق شيئا عبثا. لماذا؟ لأن الناس الحكيم. فلهذا tout ce qui se passe, وهذا ينفعك جدا في باب القدر, أن من مراتب القدر الخلق. فالله سبحانه وتعالى لا تكخي, لا تقدر. هذا يتم ملاد, هذا يمر جن, هذا يصعد الإسلام, هذا يفعل tel péché, هذا il a beaucoup d'argent, هذا il a moins d'argent, هذا il est pauvre, هذا il est touché par une épreuve. Tout ça c'est بحكمة. احذر مما يفعله بعض الجهال الأغبياء أنهم يطعنون في حكمة الله. يطعنون مثلا يديز mais pourquoi tel enfant il est malade, pourquoi tel peuple il est touché par la famine, pourquoi tel peuple il est touché par la sécheresse. كأنهم ils ont de la pitié. Et cette pitié, c'est de la faiblesse, et ça les pousse à critiquer le Créateur, Jalla wa ala. أما المؤمن فيعلم علم اليقين أن الله عز وجل سالحكيم. Si cet enfant il tombe malade, il meurt, Allah il est une hikmah. Si ce peuple il est touché par la famine, fa Allah il a une hikma. Si ce peuple il est touché par la sécheresse, fa Allah il a une hikma. Si Fulan il a beaucoup d'argent, pourtant c'est un mujrim, et Fulan il a pas d'argent, ou beaucoup moins d'argent, alors que c'est un salih, un mu'min, il fait des efforts dans son tir, Allah il a une hikma. Et c'est pour ça que Bab al-Qadr il est fondé sur hadhihi al-hikma wa husn al-dhan. Celui qui a هذا المعتقد أن الله سبحانه ويحسن الظن بالله عز وجل بإذن الله يسجّع غطاء في باب القدر والذين انحرفوا في باب القدر سأكوز عيادا بالله ما وفقوا وإذا أُبلي volontairement ou involontairement أن الله عز وجل الحكيم قال فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدى نفس الشيء Allah subhanahu wa ta'ala shara'a li'ibadihi un din kamil, un din qui fait la haqiqa. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé un din pour le bienfait, pour le bien-être de l'être humain. Et il a interdit des choses, il y en a, ça fait du mal à cet être humain. Et hada, c'est valable à toutes les époques et dans tous les lieux. Allez, hada, ba'd al-nas, nafs al-shay, yat'anouna fi hikmatillahi azza wa jal par rapport à sa sharia. Ils comprennent pas pourquoi les sentences, qu'annahum, ils ont de la pitié, ils ont plus de rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est arhamur rahimin. Celui qui subit cette sentence, il y a plusieurs hikam qu'on peut citer. Bikhtisar. Awalan, c'est un exemple pour les autres. Et fait la haqiqa, cette pitié que certains ils ont, c'est un mal pour tout le monde. Amma wahid qui est puni, alors qu'il a vraiment fait la chose, c'est pas de l'injustice. Awalan, et thanian, c'est un exemple pour tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Kadhalik min al hikam, par rapport aux sentences, si ce voleur il se fait couper la main, مثلاً, à يوم القيامة, son péché il est pardonné. لماذا لأنه il a payé في الدنيا. Mais cette fausse pitié, أنه لا, c'est des barbares, أنهم ils sont trop durs. Qu'est-ce qu'il va dire يوم القيامة? هذا العبد يوم القيامة, il va espérer, il va regretter pourquoi le حد ما أقيم عليه. Et يوم القيامة il sera, ولله الحمد, préservé. Et كم tu peux citer من حكم? فالله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا الدين. Et c'est pour notre bien-être. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Ghani. Il n'a pas besoin de nos adorations. Il n'a pas besoin de nos efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, il possède tout. Là, tu as deux points. Bab al-khalq et bab al-shara. Et si tu as compris, هذا المعنى العظيم, أن الله c'est ذو الحكمة, c'est le Hakim, عزّ وجل, et il a la sagesse, chaque chose est placée à sa place, فالحمدلله, الإنسان s'écartera من هذه الطعونات, ces critiques. Leurs critiques, elles sont dirigées que contre Addi. Ils essayent de trouver des failles, ils essayent de trouver des contradictions, ils ne sont jamais d'accord. Et là, ils se font du mal qu'à eux-mêmes. Mal musulman, il sait que Al-Khaliq, c'est le Hakim. Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a tout créé, c'est le Hakim. C'est lui qui a légiféré, on doit faire telle chose, on ne doit pas faire telle chose. Même si on qadr que tu n'as pas compris une chose. Tu n'as pas saisi pourquoi cette chose elle est recommandée ou obligatoire ou pourquoi cette chose elle est interdite. Stuslim lillah. Soumets-toi à Allah Azza wa Jalla et rappelle-toi en Allah c'est le Hakim. Et tant que la preuve elle est sahiha et tu es convaincu que ça fait partie de notre din, même si tu n'as pas saisi le pourquoi, le comment, applique. Applique et tu seras jugé sur ton œuvre. Si c'est une obligation, est-ce que tu l'as faite? Si c'est une interdiction, est-ce que tu l'as délaissée? Tu ne seras pas jugé, est-ce que tu connaissais le hikmah? Ça c'est autre chose. فلهذا بعض الناس يعلمون هذه الحكم وبعض الناس يجهلونها والجميع مأمور بالعبادة. Tout le monde est ordonné d'adorer Allah Azza wa Jal. أما العلم sur ces عبادات par rapport à la sagesse, le pourquoi, فهذا لا شك أن كثيرا من الناس ignorent ces choses. قال الذي له الحكم في الأولى والآخرة تقدم معنا هذا في الحكم. Donc Al-Hakim, ça englobe Sifatu Al-Hikma et كذلك Sifatu Al-Hukm. Amma ma yata'alaq bil-Hukm, on l'a cité fi ism Al-Hakam dans le dars précédent. Et la'allahu, il va ajouter des choses هنا. Qala wa lahu al-ahkamu al-thalatha la yusharikuhu fiha musharik fayahkum bayna ibadihi fi shar'ihi wa fi qadarihi wa fi jazaihi. C'est ça, l'ahkam al-thalatha. Qawluhu, wa lahu l'ahkam al-thalatha. C'est les trois qu'il a cités à la fin de la phrase. Ay fa yahkum bayna ibadihi fi shar'i. Ça, c'est min hukmillahi azza wa jal. Tout ce qui est lié au shara d'Allah Azza wa Jal. Et la législation, telle chose c'est permis, telle chose ce n'est pas permis, telle chose c'est obligatoire, telle chose c'est interdit. Wahakada. Qal wa fi qadari. Al-hukm al-qadari. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide. Il crée ce qu'il veut et il décrète ce qu'il veut. Il fait vivre un tel, il fait mourir un tel, il guide un tel, il égare un tel. Dans tel pays il fait froid, dans tel pays il fait chaud. Foulan il est touché par une épreuve, Foulan il n'est pas touché par une épreuve. Tout ça c'est le hukm al-qadari. Donc tu as le hukm al-shar'i, tu as le hukm al-qadari, et tu as le hukm, comme il dit هنا, wa jaza'i, le hukm al-jaza'i. Ay, Allah subhanahu wa ta'ala, هو الذي يحكم بين عباده يوم القيامة. Foulan il rentrera au paradis, Foulan il rentrera en enfer. Foulan Allah il lui pardonnera, Foulan Allah il lui pardonnera pas. Foulan il sera purifié par ses péchés avec un séjour en enfer, Foulan Allah subhanahu wa ta'ala il lui pardonnera tout. Il rentrera fil le jannah. هذا الحكم من حيث الجزاء c'est لله. Donc tu as les trois. Tu as الشرع, tu as القدر, le شرع c'est la législation, le dit. Tu as القدر c'est le destin et tu as الجزاء c'est la récompense. إما الجنة إما الشتيمة النار. Et à la fin de tafsir هذا الاسم il a cité des différences entre أحكام القدر و أحكام الشرع. أحكام الشرع نعم. Inch'Allah, à la fin du cours, on lira les différences et ça nous éclaircira encore plus. هذه الأحكام العظيمة. قال والحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها. فالله سبحانه وتعالى c'est le hakim. له الحكم. Il fait ce qu'il veut. Il crée ce qu'il veut, il décrète ce qu'il veut, il récompense qui il veut, il châtie qui il veut. Tout ça, bien sûr, fondé sur le hikmah ou l'adl. Comme on vient de voir et comme on l'a vu précédemment. كذلك له الحكمة. له الحكمة. C'est le hakim, له الحكمة. Et le hikmah, c'est quoi? C'est وضع الأشياء مواضعها. C'est mettre les choses à leur place. Allah subhanahu wa ta'ala, chaque chose, il l'a mis à sa place. Et al-hikmah, l'opposé de l'hikmah, c'est al-zulm. فلهذا الإنسان ظلوم كفار كما وصفه الله عز وجل. كم من إنسان ils mettent pas les choses à leur place. Zulm. ربما واحد يحسن إليه, واحد il est correct avec lui, il est droit avec lui, il est bon avec lui, et هو il répond avec الإساءة والظلم. Et هو il répond avec la méchanceté, avec l'injustice, et il reconnaît pas le khayr. ربما واحد il lui fait du mal et il ne veut pas son mal, et ouais, il répond avec l'inverse. Ça, c'est un manque de hikmah. Mais Allah Azza wa Jal fait hakimun, chaque chose c'est à sa place. Et كذلك هذا تستفيد منه في باب القدر. Si Allah Azza wa Jal il a guidé un tel من الناس, c'est qu'il méritait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout et c'est le hakim. Si Allah Azza wa Jal il a égaré un tel من الناس, c'est qu'il méritait. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فلهذا ces points في الحقيقة ils vont t'aider à avoir un حسن الظن بالله عظيم, et de ne pas avoir des mauvaises pensées envers Allah عز وجل. الإنسان يتهم نفسه. كم من الناس à cause de leur faiblesse, à cause de leur ignorance, à cause de leur injustice, au lieu de se remettre en cause eux-mêmes, daiman iyadan billah, ils cherchent la faute vers les autres. Ou ils accusent les autres. Vous avez remarqué هذا. Qalilun minan nas. Ceux qui se remettent en question. Et ils disent, c'est de ma faute. Et de cette faute, ils retirent une faïda azima. Naum, ils vont s'améliorer. Awwalan, thaniyan, ils vont demander pardon. Si c'est un péché, ils demandent pardon. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est par rapport à un être humain, ils demandent pardon. Et ils réparent leurs erreurs. هكذا الإنسان يتعامله. أما celui qui met دائما la faute sur les autres, il s'améliorera pas. Et ça c'est من الظلم. Et pour revenir à un autre point, المصيبة c'est que البعض يطعنون في الله. C'est jamais de leur faute. Et عياذا بالله, ils ont des mauvaises pensées envers Allah عز وجل الحكيم الرحيم. قال والحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها والحكيم الموصوف بكمال الحكمة. Tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ils sont parfaits. هذه الحكمة elle est parfaite. Il n'y a aucune faille, aucun défaut, aucun manquement, aucune imperfection. Tout ce que Allah il a créé, légiféré, c'est bi hikmah. Cette hikma, la hikma est traduite par sagesse. Elle est parfaite. قال وبكمال الحكم بين المخلوقات. Donc, souvent, on a, Cheikh Saadi rahimahullah, il cite les deux wasf qui sont liés au nom, al-hakim. Ahyanan, il parle de l'hikma, ثم il parle de l'hukm. قال فالحكيم هو واسع العلم وهذا زي مهم أن الحكمة سلي وعلم celui qui a de la حكمة forcément il a du علم لماذا لأن الحكمة سوضع الأشياء في مواضعها c'est ça الحكمة c'est de mettre chaque chose à sa place celui qui est ignorant il peut pas ça demande du علم فالله سبحانه وتعالى c'est الحكيم c'est العليم c'est الخبير et هذه الأسماء ستأتي معنا العليم والخبير بإذن الله عز وجل قال والإطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها هذا كذلك سليا اسم العليم والخبير الله سبحانه وتعالى الست قال واسع الحمد تام القدرة غزير الرحمة غزير الرحمة أي رحمته عظيمة كبيرة وسعت كل شيء قال فهو الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره فلا يتوجه إليه السؤال Le fruit de هذا الإيمان العظيم أن الله عز وجل سي الحكيم حكيم في خلقه وحكيم في شرعه الحكيم c'est celui qui a الحكمة الحكمة c'est mettre chaque chose à sa place donc chaque créature Allah il l'a créé avec une حكمة عظيمة et elle est à sa place. Chaque chose, qala wa shar'ihi kadhalik, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a légiféré hada din, toutes ces lois, cette législation azima que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée au prophète alayhi salatu wasalam, elle est fondée sur le hikma. Ça va te donner un fruit azim hada, fala yatawajjah ilayhi su'al. Ay hada al-iman, ça va fermer une porte d'égarement. Pour toi, ayyuha al-mu'min, annaka, tu diras jamais, mais pourquoi Allah, ayyadan billah, il a fait ou il n'a pas fait. Hada, c'est très très grave. Ou al-ba'd, yakouloun hada. Al-ba'd, ils le disent. Et al-ba'd, même s'ils ne le disent pas avec lisan, maqalihim, avec leur langue, varubbama leur af'al, elles prouvent hada. Ils sont touchés par une musiba, ils n'acceptent pas. Bal, wa'adhum, ayyadan billah, yakouloun avi kaba'ir. Ils insultent, ils ne sont pas d'accord. Ils se rebellent, iyadan billah, avec leur kalam, avec leur hal. Ah, là, c'est très très grave. قال عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تأمل ce verset. لا يسأل عما يفعل. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il dit لا يسأل عما يفعل. Et personne n'a le droit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi. Pourquoi il a fait ou il n'a pas fait. Allah, c'est le hakim, c'est le khabir, il fait ce qu'il veut. Et ça nous montre que l'insan, il doit avoir un bon comportement envers Allah, Azza wa Jal. Et min al-adab, parmi les bons comportements, c'est de se soumettre. Sami'na wa ata'na. Si tu peux, applique. Si tu ne peux pas, t'es ma'adour. Amma al-ba'd, ils ne peuvent pas. Et à la base, ils sont excusés. Lakin, ils gâchent tout avec leur langue. Ayyadan billah. Tu as le droit d'être triste. Si tu es touché par une épreuve, le prophète alayhi salatu salam, il a pleuré quand il a perdu son enfant. Et le prophète alayhi salatu salam, il a déjà été triste. Il s'est mis en colère, alayhi salatu salam. Lakin, la gravité, c'est la langue. Et ba'd an-nas, maintenant, quand ils perdent un proche qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils disent? Et vous l'avez déjà entendu, Obama, mais pourquoi lui? Ba'd an-nas, ils disent, mais il n'a rien fait. Ya'yadam billah. Mais il n'a rien fait qu'annahu, il a subi cette chose, la mort, alors qu'il n'avait rien fait. Donc, c'est une injustice. Quand tu dis, mais pourquoi tu fais telle chose à Foulain? Ou pourquoi tu dis, il n'a rien fait de mal? Et tu veux montrer que, arrête ton injustice, ya Foulain. Le dire, fi haqqillahi azzawajal, c'est très très grave. Allah subhanahu wa ta'ala, la yus'al amma yaf'al. Et ta'amma la fin du verset, wahum yus'aloun. Ça montre, et ça éclaircit le ma'na qu'on a cité ensemble il y a quelques minutes. Anna l'insan, il se remet en cause, où? Dans tous les domaines. Dans l'ibadah, remets-toi en cause. Dans l'ilm, remets-toi en cause. Dans dunya, remets-toi en cause. Tu vas progresser. Ah, mais celui qui cherche toujours l'erreur vers les autres, c'est jamais de sa faute. Il n'avance pas. Comme min aba, afsadu awladahum, avec hadal mabda al-fasid, avec ce principe corrompu, yadam billah. Leur enfant, au lieu de l'éduquer depuis le départ, lui montrer qu'il est fautif, ne pas remettre la faute sur les autres, c'est toi qui fais. Personne t'a dit de ne faire cette chose. Al-Aba, que ce soit père ou mère, ils pensent protéger leur enfant et d'aïman ils remettent la faute sur les autres. Et devant l'enfant, et l'enfant yasma. L'enfant il voit, il entend. Et l'enfant, même un enfant qui est très très jeune, il enregistre beaucoup de choses et il comprend beaucoup de choses, contrairement à ce que certains parents y croient. L'enfant, il s'habitue à ça. C'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours la faute de l'autre. Il sait qu'il va faire une chose, il va être protégé. Il ne risque rien. Hatta un jour, il tombe entre les mains de la justice et il n'y a pas de rahma. La prison, Obama, il est placé dans un centre d'accueil. Obama, il tombe dans la drogue. À la fin, il grandit. Il est dans une situation critique. Est-ce que les pleurs des parents, c'est utile? C'est d'aucune utilité. On doit apprendre à nos enfants. Mais de l'hada, la yus'al amma yaf'al. Et ça c'est une aqidah tayyiba. Montrer à Allah Azza wa Jal, jamais tu te rebelles ou tu n'es pas d'accord. Là, Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Wa hum yus'alun. Et on éduque nos enfants à la, tu vas être interrogé. Fais attention à tes amal. Ne parle pas de un tel il a fait, un tel il m'a dit. Là, tu ne veux pas suivre un tel, ne le suis pas et ne fais pas cette chose. Alhamdulillah. Ça va être très très utile. On a donné l'exemple avec les enfants, c'est même pour les adultes. Au travail, dans le domaine du travail. Comme il y en a, ils remettent toujours la faute sur les autres. J'ai été renvoyé, c'est à cause d'un tel. Je suis arrivé en retard, c'est à cause d'un tel. Il m'a pas réveillé, j'ai fait telle chose. Toujours sur la faute des autres. Ça, c'est mina dhaf. Amma al-mu'min, là. Si cette personne, elle est mauvaise, elle te fait du mal, écarte-toi. Amma al-wa'd, toute la journée, ils sont avec wahid. Thumma, il leur arrive une chose, ils disent, ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute. L'imam, là, tu marches avec lui. L'imam, là. Écarte-toi de l'ashrar, remets-toi en cause, et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Qala, rahimahullah. ولا يقدح في حكمته مقال وحكمته نوعا حكمته اي la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala deux catégories et il les a cités au départ لكن تعلمون ان هذا الكلام c'est de plusieurs masadir c'est pour ça que احيانا il y a des répétitions لكن في الحقيقه المؤلف il a bien fait son travail, il a mis des paroles de Cheikh Saadi de différentes sources, de différents livres, et tu as l'impression que c'est le même livre. Il a cité les deux catégories, il les répète, mais il va détailler. La première partie, c'était tafsir Cheikh Saadi. Tafsir, c'est d'un autre livre. Il dit, ومشتملا على الحق وكان غايته والمقصود به الحق. Vous avez remarqué que Al-Hakim, Aïdul Hikma, celui qui a Al-Hikma, c'est lié avec Ism Al-Haq. Min Awsafi Azzawajal Al-Haq. لماذا لأن الحكمة سبي حق. الحق c'est de la Hikma. قال الحكمة في خلقه فإنه خلق الخلق بالحق. Tout ce que Allah il a créé, c'est بي حق. أي une فائدة عظيمة. قال ومشتملا على الحق وكان غايته والمقصود به الحق نعم قوله أحدهما الحكمة في خلقه أي خلق الخلق بحكمة أي بإتقان الإتقان c'est quelque chose qui est maîtrisé et في حق الله عز وجل c'est la perfection الله خلق هذا الخلق بإتقان تأمل في مخلوقات الله عز وجل le soleil, la lune, le ciel, les étoiles. خلق بإتقان. لماذا؟ لأن celui qui a créé هذا الخلق c'est le Hakim. عز وجل. Et من معاني الحكمة c'est الحكمة في خلقه أي بإتقان. هو بإحكام. Vous connaissez peut-être le mot الإحكام. الإحكام c'est maîtriser une chose. Ça ressemble à الإتقان. الإحكام ça ressemble à الحكيم. قال وكان غاية المقصود به الحق خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام ورتبها أكمل ترتيب وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته تشوف هذه مخلوقات عجيبة تشوف أنت من المخلوقات مثلا certains animaux ils marchent sur deux pattes d'autres sur quatre D'autres sur 8. Certains animaux, ils rampent. Comme les serpents, certains animaux, ils nagent. Ils ne rampent pas et ils n'ont pas besoin de pattes. Certains animaux, ils volent. Qui c'est qui a qaddar et qui a nawwa? Tous ces anwa wa ashkal. Et ta'ammal les couleurs. Certains oiseaux, ils sont blancs, d'autres bleus, d'autres verts, d'autres plusieurs couleurs. Tout ça, c'est qui a créé هذه الأمور? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال فلا يرى أحد في خلقه خللا ولا نقصا ولا فطورا فلو اجتمعت عقول الخلق من أولهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والإتقان لم يقدروا. صحيح. C'est impossible هذا. Là où tu demandes aux êtres humains, et yeshtemi awwaluhum wa akhiruhum, avec toutes les technologies qu'ils ont faites, de créer une chose, qu'à khalqillahi azza wa jal, ils n'arriveront pas. Wa la taghtar, la technologie, les choses qu'ils ont faites, c'est pas min al khalq. C'est pas min al khalq, bi ma'na al ijad min al adam. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Fal khaliqin, ça peut être bi ma'na. Des personnes maintenant, ils vont en français, ils le disent, créer une chose, et ce n'est pas la création comme la création d'Allah Azza wa Jal. L'imam, l'imam Allah Azza wa Jal, il crée à partir du néant. Kun fayakun. Amma l'être humain enlève leur l'eau, enlève leur le bois, enlève leur l'oxygène. Tu dis maintenant, il y a des êtres humains, même ceux qui ont atteint un haut niveau dans la technologie, dans les inventions, il a accrété dans l'industrie, et tu leur dis, vous fabriquez telle chose. Vous créez telle chose sans utiliser les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi pas l'eau, ils vont être bloqués. Comment ils vont faire sans eau? Tout le bois, tout le sans fer, tout ça c'est min makhlouqat illahi azza wa jal. Et même avec ces choses, si tu leur donnes toutes ces choses et tu leur dis, madalan, crée un être humain, ou asghar, hatta un insecte, ils ne pourront pas. Même s'ils arrivent à rassembler certaines choses, ça ne sera pas comme la création d'Allah. Wa sayajizuna. Comment ils vont faire? Même s'ils rassemblent, ils font du clonage pour mettre l'âme, comment ils vont faire? Qui c'est qui va insuffler l'âme? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Qala rahimahullah wal intidam wal itqan lam yaqdiru wa anna lahum al qudra ala shay min dhalik wa hasbu al uqala al hukama minhum an ya'rifu kathiran min hikamih. Sahih. L'être humain ne peut pas créer abadan. Lakin l'être humain il peut méditer sur les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut méditer sur al-hikmah. Celui qui médite sur ces choses, là, chaque ça fait monter l'iman. Et il va adam Allah azza wa jalla encore plus. Il va aimer Allah, il va être convaincu qu'Allah il est capable de tout. Ça va l'aider à adorer Allah azza wa jalla. Et ça va l'aider à s'écarter des interdits. قال ويطلع على بعض ما فيها من الحسن والإتقان وهذا أمر معلوم قطعا بما يعلم من عظمته وكمال صفاته وتتبع حكمه من في الخلق والأمر قال وقد تحدى عباده أي الله عز وجل وأمرهم أن ينظروا ويكرروا النظر والتأمل هل يجدون في خلقه خللا ونقصا وأنه لابد أن ترجع الأبصار كليلة عجيزة عن الإتقان على شيء من مخلوقاته أي كما في سورة الملك قال عز وجل الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن لا ترى نعم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي من خلل ونقص تأملوا الإقصاء الذي خلق سبع سماوات طباقا أي chaque sama, il a un sama au-dessus de lui. Sab'a samawat. Tibaqan. Le premier ciel, thumma le deuxième, il est au-dessus. Ou hakada. Atbaq. Des niveaux. Qala, ma tara fi khalqi rahman min tafawut. Est-ce que tu t'es déjà levé un matin et tu vois le ciel? Il s'est fissuré. Ou il s'est déformé. Abadan. C'est la création d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé. Hadhihi samawat bi itqan. Qala, Azza wa Jal. فرجع البصر هل ترى من فطور هذا قول الشيخ سعدي رحمه الله وأنه لابد أن ترجع الأبصار كليلة قال ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير خاصئا نعم وهو حسير من صورة الملك. فهذه المعاني نعم استفادها من هذه الآيات وديبدو صورة الملك. قال النوع الثاني دوزيام كاتيغوري أي في الحكمة. La première donc الحكمة في الخلق, la sagesse dans la création. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé هذا الخلق بحكمة أي أتقنه. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a les attributs parfaits, il a créé cette création avec perfection, subhanahu wa ta'ala. Et on a cité un exemple, le kalam Cheikh Saadi, avec les cieux. ثم قال النوع الثاني الحكمة في شرعه وأمره. Et la sagesse dans son din, azza wa jal. Il a révélé هذا الدين, qui est fondé sur des piliers, sur des obligations, sur des interdictions, des choses à faire, à ne pas faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé cette religion bi-hikma. Il n'y a aucun défaut, il n'y a aucune faille, il n'y a aucun manquement. Tout ce que l'être humain il a besoin, فَفِي هَذَا الدِّينِ il est موجود. قَالَ فَإِنَّهُ تَعَالَ فَرَعَ الشَّرَائِعَ وَأَنْزَلَ الْكُتُبُ وَأَرْسَلَ الرُّسُلُ لِيَعْرِفَهُ الْعِبَادُ وَيَعْبُدُوهُ فَأَيُّ حِكْمَةٍ أَجَلٌ مِنْ هَذَا. هذا سبع impliqué أن السيون ركونا هذا أننا نشكر الله سبحانه وتعالى. أولا pour la première partie أنه il nous a créé بهذا الخلق الحسن. Et la deuxième catégorie أنه عز وجل il a envoyé à chaque peuple un messager avec un livre. Et tout ça c'est pour le bien de l'insan. Enfin, celui qui réfléchit, qui médite via هذا, là chaque ça va le pousser à être reconnaissant et à accepter هذا الدين et l'appliquer. قال رحمه الله ليعرفه العباد ويعبدوه. Donc هذا الدين, tu vas apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'étude qu'on fait ensemble, walillahi alhamd, fi hadha al-kitab, l'étude des noms d'Allah azza wa jal. Et l'insan il apprend sa aqida, et l'insan il est le Coran, il est akhiré, la shak annahu il va connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et kadhalik de l'adorer, l'anna une simple connaissance ça suffit pas. Notre din il est fondé sur ces deux choses, ma'rifa ay iman, qui est fondé sur l'yaqin, l'ilm, une croyance, et ibadah, des œuvres. Qala فأي حكمة أجل من هذا وأي فضل وكرم أعظم من هذا فإن معرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص العمل له وحده وشكره والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده على الإطلاق. العبادة bien sûr sans associer Allah عز وجل une créature, الإخلاص ta sincérité, être reconnaissant, الشكر, الثناء عليه, أي بالأذكار المشروع الطيبة avec الحمد أطر. قال تسس من قال أفضل العطايا منه لعبادي على الإطلاق. فمن رزقه الله سبحانه وتعالى سي الشوز, لأنه سا مسلم سا مؤمن سا موحد إلى دغ الله عز وجل السل إلام الأعمال إلي غكونيسا, فهذا إلي في نعمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا كذلك سدمون دي الشكر. قال وأجل الفضائل لمن من الله عليه بها وأكمل سعادة وسرورا للقلوب والأرواح كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والنعيم الدائم. أي هذه النعم العظيمة أي أدعي الله عز وجل السل ساسي لاكوز. قال كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة, que ce soit fil dunya ou fil akhira, tu as la solution. هنا comme les gens ils cherchent هذا, ils veulent être heureux. Bardoum ils pensent que c'est le travail, Bardoum ils pensent que ça en se mariant, en faisant des enfants, Bardoum ils pensent que c'est la bonne santé. Thumma ils sont déçus. Le seul moyen pour être heureux fil dunya et bien sûr fil akhira, c'est appliquer هذا الشرع العظيم. Chacun selon ses capacités. Et la base de هذا الدين qui est fondée sur l'hikmah, c'est tawhidullah. C'est adorer Allah Azza wa Jal seul. Amma celui qui adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout perdu. Fi dunya wa fi l'akhir. Fi dunya, il vivra iyadan billah fi dhaiq wa fi karb. Et iyadan billah, il ne sera pas muwaffaq dans beaucoup de choses. Et fi l'akhir, il aura tout perdu. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال فلو لم يكن في أمره وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل الخيرات وأكمل اللذات ولأجلها خلقت الخليقة وحق الجزاء وخلقت الجنة والنار لكانت كافية شافية. سيغي كست حكمة كست حكمة بشرع الله سبحانه وتعالى أنه سي لو شومين كي تامينغا او بونور ايسي باي دون لودولا سا سوري سوفيزون. Alors que هذا الدين va citer d'autres حكم أنه سي ان بيان بور تون كور سي ان بيان بور تيز انفان سي ان بيان بور تون كور سي ان بيان بور تون بلاد سي ان بيان بور لي زوتر سا انكلوب تو لو بيان. قال هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خير فأخباره تملأ القلوب علما ويقينا وإيمانا وعقائد صحيحة وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافها أي avec هذا الدين. C'est ce qu'on vient de citer, c'est un bien pour ton cœur. أي هذا العلم والإيمان et toutes ces choses qui sont citées في القرآن وفي السنة. هذا سبع ça va apaiser ton cœur et ça va t'écarter walilham des doutes, de l'égarement, de l'angoisse. Il a akhir. قال وتثمر كل خلق جميل وعمل صالح وهدى ورشد. نعم ثم الكلام نقرأ اخر. قال وتثمر كل خلق جميل. Ça ça nous montre le comportement c'est lié au din. C'est pour ça que celui qui pense أن أعداء الله من الكافرين والمشركين والملحدين والمنافقين أنهم ils ont un bon comportement فهذا il est بعيد. أقل ما يقال فيه أنه il est بعيد عن الصواب. لماذا؟ لأن الخلق اللي ليه avec الدين. فلهذا هنا vous avez remarqué qu'il a précisé le خلق بالجميل. أما الخلق qui est pour une مصلحة الإنسان il pense qu'à lui أنه il fait le bien que pour être cité vers les autres, où ils pensent qu'à son ventre, à ses poches, à dunya, comme ils font le kuffar. Les kuffar, le bon comportement qu'ils ont, c'est pour leur dunya. C'est pour ça que si tu les contredis dans une chose où ils n'ont plus d'intérêt, il n'y a plus de bon comportement. Ma'aruf hada. Amma al-khuluq al-jamil, il est lié au din. Ça va ensemble. Qala wa amalin salih. Na'am, amal salih. Amma kam min kafir ya'mal. Ba'dhum, ils font du bien en apparence. Lakin, ce n'est pas amal salih. Al-amal salih, c'est l'amal qui est fondé sur هذا l'iman al-azim. Il est fondé sur هذا l'iman wal-ikhlas. Et bien sûr, en suivant al-Nabi alayhi salatu salam. قال وهدى وقال من عمل صالح وهدى ورشد. قال وأوامره ونواهيه محتوية على عناية الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنيا. فإنه لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى لا يأمر ولا ينهى نعم هنا هي كأنه ولا ينهى إلا عما مضرته خالصة أو راجحة. وهذا الدين كما تقدم معنا أي لفندي سوغ الحكمة شريعة الله سبحانه وتعالى لفندي سوغ الحكمة tout ce que l'insan il a besoin من مصالح et tout ce qui lui fait du mal comme ضرر. Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré ce din par rapport à ces deux points, masalih wa mafasid. Qala wa min hikmati ash-shar' al-islami. Suivez anna Allah azza wa jalla c'est le hakim. Wa min awsafihi al-hikma. Allah c'est le hakim wa min awsafihi parmi ses attributs al-hikma. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a légiféré hada din, donc hada din l'a été légiféré bi hikma. Pourquoi? Parce que Allah c'est le hakim. Donc, il explique. En fait, le Cheikh Saadi, rahimahullah, il donne plusieurs exemples. Il a cité la première catégorie, le khalq, la créature. Il a cité des exemples, avec les cieux, mathalan. Donc, la deuxième catégorie, avec al-shara. Avec al-din, la révélation. Tout ça, c'est fondé sur le hikmah, et il cite des exemples. قال ومن حكمتي الشرع الإسلامي أنه كما أنه هو الغاية لصلاح القلوب والأخلاق والأعمال والاستقامة على الصراط المستقيم فهو الغاية لصلاح الدنيا لدو الاستقامة على دين الله عز وجل الحق ça va t'aider bien sûr pour l'au-delà et c'est la priorité, c'est l'objectif et كذلك pour الدنيا. أما البعض بسبب جهلهم Et كذلك à cause des ennemis de l'islam qui ont sali ou qui essayent de salir din Allah Azza wa Jal, والله سبحانه وتعالى متم نوره, ils essayent de salir l'image. Annaka, si tu rentres vidin Allah Azza wa Jal et tu fais des efforts, tu vas perdre dunya. Alors que là, plus tu fais des efforts vidin, plus alhamdulillah tu seras heureux vidunya. قال فلا تصلح امور الدنيا صلاحا حقيقيا بهذا القيد. اما البعض, ils ont une conception de as-salah, c'est que l'argent, c'est que profiter, c'est que suivre ses passions, c'est que le haram, ils pensent que c'est ça salah et le bien-être, et ils pensent que c'est le bonheur, il est fondé sur ça. Abadan as-salah al-haqiqi, as-salah al-haqiqi, ça peut pas se concrétiser avec du haram. Abadan. قال صلاحا حقيقيا إلا بالدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وقوله إلا بالدين الحق لأن البعض pense être heureux en suivant des groupes égarés. Et c'est pas دين الله الحق, لا, c'est des inventions où ils suivent aveuglément واحد et حال الصوفية الضلال et الروافض الزنادقة. Il est معلوم عند الجميع أنهم يبخطون سويف دين الله عز وجل الحق, في الحقيقة يسويف كله باسيون, يسويف كله قيد. فلهذا كثير من هؤلاء وقعوا في الزندقة والشرك والكفر, أي الصوفية والزندقة الروافض. قال وهذا مشاهد محسوس لكل عاقل, فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما كانوا قائمين بهذا الدين أصوله وفروعه وجميع ما يهدي ويرشد إليه كانت أحوالهم في غاية الاستقامة والصلاح. صحيح. تأمل حال الناس quand le prophète عليه الصلاة والسلام il a reçu le message à Mecca. Leur situation comment elle était, et quand ils ont suivi le prophète عليه الصلاة والسلام qu'est-ce qu'ils sont devenus. كثير منهم ils adoraient des statues, mangeaient la bête morte. كثير منهم في الجاهلية ils étaient injustes envers les femmes, envers les filles. حتى les filles ils les acceptaient pas, ils les enterraient vivantes. Beaucoup d'injustices. فلما جاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بهذا النور, regarde la situation comment elle est devenue. Ils ont été élevés par Allah Azza wa Jal في الآخرة et bien sûr في الدنيا. C'est devenu les gouverneurs dans beaucoup de contrées. الناس دخلوا في دين الله عز وجل أفواجا. لماذا؟ لأن الناس c'était une rahma, une miséricorde. Contrairement à ce que les ennemis d'Allah عز وجل ils essayent de faire croire الآن. Beaucoup de gens ils sont rentrés في دين الله عز وجل. À l'époque des compagnons رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم, c'était pas avec l'épée. أكثرهم ils sont rentrés بسبب الأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة. Et كذلك ils ont vu une amélioration claire. Alhamdulillah, ils ont choisi ce din. Et à quand à notre époque, combien de gens ils se convertissent? Ils se convertissent sous l'épée? Abadan. Alhamdulillah, limadha li'annahum ils ont testé. Ils ont testé le dunya, ba'dhum ils étaient dans une autre religion, ba'dhum ils ont été très très loin dans l'égarement fi dunya. Et ils ont vu qu'il n'y avait pas de fa'ida, ils se faisaient que du mal. Umma ils se sont convertis, ils ont trouvé ar-raha. Qala wa lamman harafu anhu وتركوا كثيرا من هدى ولم يسترشدوا بتعاليمه العالية حرفت دنياهم كمن حرف دينهم. هذا سبب لنا notre époque plus que les autres époques. يعني à notre époque كثير من الناس se sont écartés du din. Ils ont pensé qu'en revenant à la démocratie ils allaient être libres. Ils ont pensé que en revenant au capitalisme qui est fondé sur riba, mensonge, injustice et la akhiré, ils allaient être plus riches. En revenant au communisme, au socialisme, ils ont pensé qu'ils allaient s'entraider et le pauvre il allait être élevé. C'est que du mensonge. Tout ça c'est des fondements iyadam billah qui sont fondés sur le kufr, sur l'égarement. Le pauvre il a son haq fi din al-islam. Le riche il a son haq fi din al-islam. Celui qui veut être heureux, la femme elle a son haq fi din al-islam. Le mouvement des féministes, elles ont pensé qu'avec ce mouvement, en critiquant din et la liberté totale, elles font ce qu'elles veulent, elles pensent qu'elles vont retrouver leur dignité, leur liberté. Alors que là, c'est un objet et leur cas s'aggravera encore pire. Et les femmes qui ont pris ce chemin, c'est comme des objets, qu'elles le veuillent ou non. Amma vidin l'islam, là, la femme, wallillahi alhamd, elle est mu'azzaza, mukarrama avec son hijab. Et elle obéit à son mari, et elle obéit à son père si elle n'est pas mariée, ou à son responsable, et elle est fi izza. Amma ta'ammal la hala al-kafirat, ou certaines muslimates qui ont délaissé une partie de leur dîn ou leur dîn, comme akhbar al-Sheikh Sa'di, comment elles sont devenues? Wallahi, ces personnes, si tu leur demandes, si elles sont sincères, elles n'ont pas trouvé le bonheur. Il n'y a pas de solution, il n'y a que notre dîn. Khasatan, celui qui était musulman et qui veut chercher le bonheur autre part, hada yukhdal. Hada, il s'égarera d'un égarement évident. Iyadan billah. قال وكذلك انظر الى الامم الاخرى التي بلغت في القوه والحضاره والمدنيه مبلغا هائلا ولكن لما كانت خاليه من روح الدين ورحمته وعدله كان ضررها اعظم من نفعها الامم الاخرى اي autre que المسلمون que ce soit à l'époque الروم والفرس والترك avant qu'ils rentrent dans l'islam ou à notre époque certaines puissances الان que ce soit l'Occident, à l'Ouest, à certaines puissances de l'Est. Ils ont fait beaucoup de choses pour trouver ce bonheur, lesquels ils n'arriveront jamais. Ils ont toujours les mêmes problèmes. Sauf que la forme, elle change. L'un, il pense donner la liberté à la femme, donner la liberté aux autres, aider les pauvres, il a arrêté. C'est que du kadib. Et ta'ammal ma hasala lahum pendant les guerres au siècle dernier. Alors ils ont avancé dans la technologie, ils ont atteint un certain niveau. En quelques années, ils se sont entretués. Tout ça pourquoi? Que pour le dunya. Ça montre que le kafir ma fihi khayr. Alihada la taghtar, comme a dit le Cheikh Sa'di, al-quwa wal-hadara wal-madaniya, leur force, leur principe de civilisation, de démocratie, la taghtar bihada. Limada, comme a dit le Cheikh rahimahullah, ولكن لما كانت خالية من روح الدين هذا الكلام الكافر il peut pas le comprendre إلا si Allah عز وجل il guide son cœur. Le musulman normalement il doit comprendre mais هذا الكلام. Comment tu penses que cet Occident qui est fondé sur le kufr et l'injustice qui a été fondé, leurs pays ont été fondés sur le sang, comment tu penses que ils vont de l'avant ou ils seront heureux ou ils sont sur la vérité alors qu'il leur manque هذا الروح الروح الدين أي la religion. Ça c'est pas possible, c'est pas possible pour un musulman. Et للأسف كثير من المسلمين الآن ils sont impressionnés par هذه الحضارة وهذه المدنية et tous les principes des kuffars, la démocratie, la laïcité et l'autre, les malades لأنهم ils ont faibli في الدين. C'est pour ça qu'ils ont du mal à comprendre. Ils critiquent les pays musulmans et ils sont impressionnés et ils vantent. Et كثيرًا avec le takalluf. Vous avez remarqué que هذا il takalluf pour chercher des points positifs في بلاد الكفر. Et في بلاد المسلمين c'est l'inverse. Un manque d'objectivité claire. Une chose il le voit, il le dit. Une chose dans la rue, oh regarde. Ils sont pas civilisés ou yatan. Quand il va vivre le kufr, Obama, il est accusé, ses enfants ils subissent des injustices et il le sait et là il le cite pas. C'est un manque d'objectivité et alhamdoulillah ce sujet on l'a détaillé ensemble fi an-nasiha ar-rabbaniya de al-mu'allif Cheikh Sa'di rahmatoullah alayhi. Qala wa sharruha akbar min khayriha. Na'am. وعجز علماؤها وحكامها وساساتها عن تلافي الشرور الناشئة عنها ولن يقدروا على ذلك ما داموا على حالهم. Tu peux prendre un exemple, l'alcool. Qu'est-ce qu'ils ont essayé? Ils ont essayé beaucoup de choses pour éradiquer le problème de l'alcool. À cause de l'alcool, il y a des femmes battues. On parle de Bilal al-Kufr. À cause de l'alcool, il y a des femmes battues. À cause de l'alcool, il y a des milliers de morts sur les routes. À cause de l'alcool, il y a beaucoup de gens qui vont en prison. Comme ils me fascinent, les kuffars, ils savent ça. C'est pour ça qu'ils essaient de limiter l'alcool dans les routes, l'alcool, ils combattent l'alcoolisme. Il y en a, ça provoque beaucoup de chors, des femmes battues, des enfants battus. Ils n'y arriveront jamais. Ils mettent des affiches énormes. Maintenant, l'alcool, ça fait, ça fait, ça fait. Tu vas un mètre plus loin, ils le vendent. Ils n'ont pas de ukoul. La cigarette, c'est la même chose. Ils font des campagnes. Il a arrêté. La cigarette, ça provoque des cancers. Deux secondes après, tu le trouves, il se vend devant toi. Ah, là, ils n'ont pas de ukoul. C'est pas comme ça les choses. Amma l'islam, Il nous a fait shar'ina beaucoup de textes qui montrent la gravité de l'alcool, et c'est interdit. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de fabriquer, on n'a pas le droit de transporter, on n'a pas le droit de le vendre. Il n'y a pas de contradiction, ça fait du mal, c'est interdit. Hum là. Tu as déjà vu un tahada, un tabib. Va dans les hôpitaux. Les hôpitaux, il y a des coins, des endroits plutôt, des secteurs spécifiques pour le cancer. Et une grande partie, c'est les cancers des poumons qui sont liés aux cigarettes. Tu trouves les docteurs, les infirmières qui soignent les patients qui sont touchés par le cancer à cause de la cigarette, dès qu'il y a une pause, ils sortent, ils fument. Ils n'ont pas de recul. Il voit la maladie. Donc il est obligé de conseiller le patient. Un asthète malade, c'est à cause de la cigarette. Thomas, où il le fait? Iyadun billah. هكذا الكفار من تأثر بهم من المسلمين أما عاقل من المسلمين فكما قال الشيخ السعدي رحمه الله هنا دي مصالح دي مفاسد les choses bien tu les fais et les choses mauvaises tu t'en écartes autant que tu peux. Pourquoi ils vendent de l'alcool et des cigarettes? Ils savent très bien le mal que ça fait. Ils n'ont pas de din et الدنيا a pris le dessus. L'alcool et les cigarettes, c'est des millions, des milliards par an. C'est un secteur énorme. T'enlèves l'alcool et les cigarettes, halas, les cafés ferment, les boîtes de nuit elles ferment, beaucoup de commerçants ils ferment, les bars ils ferment. Ça va faire une chute énorme dans l'économie. Lakin, fi dinillahi azza wa jalla, il y aura un profit énorme, tu remplaces par quelque chose d'autre. Ta'ammal hal as-sahaba radiyallahu anhum quand ta'lamun anna al-khamr hurrima bit-tadrij, ça c'est une hikma. Limadha li'anna celui qui harram al-khamr, c'est le hakim. Et l'alcool c'est une dépendance, donc Allah azza wa jalla petit à petit, il a interdit le khamr. Au départ, ne pas faire salat, mathalem. Celui qui a bu de l'alcool, il ne fait pas salat. Donc ça prouvait qu'en dehors de la salat, c'était pas encore interdit. Somma, à la fin, c'était complètement interdit. Fil Medina, quand ils ont su que le khamr, il était interdit, comme Aja Avir Riwaya, ils ont tous versé le vin. C'était du vin à l'époque. Ils l'ont tous versé. Hatta vi al-shawari', il y avait de l'alcool partout. Et il y avait de l'odeur partout. Ils ont tous versé. Iman. Ils ne se sont pas dit, là, on a habitué, là, le commerce, comment on va faire? Din. Allah, subhanahu wa ta'ala, il leur a remplacé par quelque chose de meilleur. Fatahud dunya. De Médine, ils sont partis jusqu'au nord. Les jihad al-Irak et l'Akhiré, ils sont partis à l'ouest, jusqu'en Afrique, au Maghreb et l'Akhiré. Ils sont partis à l'est, jusqu'à, ils ont approché la Chine et l'Akhiré. Hakada Allah, subhanahu wa ta'ala, yiftah. Amma celui qui veut les deux côtés ne pas faire de sacrifice, hada, il n'arrivera pas. قال رحمه الله ولهذا كان من حكمته تعالى أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين والقرآن أكبر البراهين على الصدق والصدق ما جاء به لكونه محكما كاملا لا يحصل إلا به وبالجملة نعم ça c'est une preuve أن هذا الدين c'est le حق parmi les preuves plutôt نعم القرآن c'est كلام الله et كلام الله il est fondé sur الحكمة sur الحق قال وبالجملة فالحكيم متعلقاته المخلوقات والشرائع وكلها في غاية الإحكام. Donc الحكيم متعلقاته c'est lié à deux choses. الحكمة في المخلوقات أي les créatures d'Allah سبحانه وتعالى والحكمة في الشرائع أي tout ce qui est lié au din. Tous les livres que Allah il a révélé. Les législations. قال وكلها في غاية الإحكام فهو الحكيم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. Les trois أحكام que le Cheikh il a cité في تفسيره. في القدر, في الشرع et في الجزاء. القدر bien sûr le destin, الشرع les législations, les livres d'Allah عز وجل et الجزائية la récompense. قال والفرق بين أحكام القدر وأحكام الشرع وهذا تقدم معنا في الإرادة في الإرادة dans certains دروس on avait fait la différence entre الإرادة الكونية et الإرادة الشرعية فهنا ça va ressembler. قال والفرق بين أحكام القدر وأحكام الشرع أن القدر متعلق بما أوجده وكونه وقدره وأنه ما شاء كان وما شاء لم يكن. Donc al-qadr متعلق بما أوجده أي بالمخلوقات. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé telle chose, il a donné à telle créature telle durée de vie, telle forme, il a agré. Ça c'est le qadr. C'est af'al Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, il crée ce qu'il veut et tout ce qu'il a créé, il l'a voulu. Donc c'est lié à l'irada et c'est lié à, au ilm et au khalq. Ça c'est ahkam al-qadr. Qala wa annahu ma sha'a kan wa ma lam yasha lam yakun. C'est lié à l'irada al-mashi'a. Tout ce que Allah il veut, enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il le crée. Et tout ce qu'il a créé, plutôt Allah Azza wa Jalla, il l'a voulu. كما تقدم معنا في مراتب القدر قال وأحكام الشرع متعلقة بما شرعه والعبد المربوب لا يخلو منهما أو من أحدهما أما الشرع فمتعلقة بما شرعه et أنت c'est sur ce point que tu seras questionné يوم القيامة. So, tu ne seras pas questionné sur le qadr. Pourquoi Allah il a qadr que tu sois grand, petit ou là, tu ne seras pas interrogé sur ces choses-là. Tu seras interrogé sur هذا sur الشرع. لماذا لأن أنت الله سبحانه وتعالى il a révélé une législation et أنت tu dois obéir. Et tout ça c'est بقدر الله عز وجل. Bien sûr. قال والعبد المربوب لا يخلو منهما أو من أحدهما فمن فعل منهما يحبه الله ويرضى فقد اجتمع فيه الحكم. C'est pour ça que le kalam qu'on vient de dire أن tu ne seras pas interrogé sur le qadr, فمن الحقيقة sans le détailler, ça peut poser problème. لماذا لأن la salat c'est min qadr illah et tu seras interrogé. فالأفضل c'est comme عبر الشيخ. On répète. وأحكام الشرع متعلقة بما شرعه والعبد المربوب لا يخلو منهما أو من أحدهما. أي les deux أحكام القدرية والشرعية. قال فمن فعل منهم ما يحبه. Celui qui fait ce que Allah il aime. ويرضى فقد اجتمع فيه الحكمان. Qui c'est qui peut expliquer هذا? تفضل. أين الحكم الكوني وأين الحكم الشرعي؟ نعم. لماذا؟ لأن الله إلا مثلا celui qui fait الصلاة. Celui qui fait الصلاة il a fait cette عبادة que Allah il aime et ça c'est le حكم الشرعي. Qui c'est qui a ordonné de faire الصلاة? C'est Allah. Et il y a une حكمة عظيمة. مفهوم؟ أين الحكم القدري؟ يدخل في ماذا؟ في القدري. نعم. ديتاي حتى يفهمون. تجي أن الحكم الشرعي يدخل في القدري. كيف؟ prends l'exemple de la salat et explique-nous. حكم شرعي. لكن هنا يفعلها. فرentre pas dans le deuxième قد لا يفعلها. يفعلها. Comment ça rentre fil qadari idha fa'alaha? Fi'luh, c'est bi qadarillah. Cet être humain qui fait cette salat, c'est une créature parmi les créatures d'Allah Azza wa Jalla. Et cette salat qu'il fait, c'est Allah qui l'a décrété. Donc, ça fait partie de l'hukm al-qadari. Vu que cette chose, Allah il l'aime et il a ordonné ses abdes de le faire, c'est l'hukm al-shara'i. Tu as les deux. Qala. وَمَنْ فَعْلَ مَا يُضَادْ ذَلِكْ فَقَدْ وَجِدَ فِيهِ الْحُكْمَ الْقَدَرِ. Qu'est-ce qui donne un mythal? تفضل. الذي يشرب الخمر. Celui qui boit de l'alcool. قال ومن فعل ما يضاد ذلك أي الحكم الشرعي. مثلا الله nous a interdit de boire de l'alcool. واحد يبوى de l'alcool. قال فقد وجد فيها الحكم القدري. كيف؟ pourquoi c'est من الحكم القدري؟ لأنه فعله بقدر الله. يعني لا يخرج من نعم لأن فعله من قدر الله عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك أما الحكم الشرعي الله يحبه وقد يقع وقد لا يقع c'est ça la différence الحكم الشرعي الله إلم et هذا الحكم il peut arriver il peut ne pas arriver مثلا الله سبحانه وتعالى il a حكم في شرعه أن tout le monde doit faire la salat c'est une obligation certains êtres humains ils font certains êtres humains ils font pas مفهوم؟ et Allah celui qui fait il aime هذا الشيء الحكم القدري الحكم القدري الله سبحانه وتعالى il aime pas هذا الفعل il aime pas هذا الفعل فلهذا tu trouveras des adillas que مثلا l'alcool c'est interdit et celui qui le fait فلا شك il l'a fait c'est بمشيئة الله Allah il a voulu cette chose كونا malgré qu'il l'aime pas il y a une حكمة لماذا لأن si on dit que comme certains disent, mais comment Allah il a voulu alors que c'est une mauvaise chose? Si tu dis que c'est Allah il n'a pas voulu, ça veut dire qu'une chose elle s'est passée, dans cet univers et Allah il n'a pas voulu. Iyadan billah, c'est grave. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout, il sait tout. Tout ce qui se passe, il le sait et il le veut. Lakin certaines choses, il les a. Al-hukm al-shar'i. Et d'autres choses, rubbama, il ne les aime pas. Lakin qaddaraha pour une hikma azima. Et celui qui le fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas cette chose. Et là, on l'a détaillé kathiran. في باب الإرادتين إن شاء الله تعالى سعوب ينضغى هذا في الواسطية إلى السيتي ما يتعلق بالإرادة إلى السيتي لدو فسلوي كي نعبا كمخي ست بارتي الأمر سه إن غليزان كلام الشيخ سعدي إن شاء الله سأسوغى assez clair وإلا لا بس au départ ça peut être assez compliqué pour certains. قال فإن ما فعله واقع بقضاء الله هذا هو الضابط لدو As-salat, celui qui l'a fait, c'est bi qadarillah wa bi qada'ih. Allah il aurait pas voulu, il n'aurait pas fait salat. Donc ça fait partie du qadar. Boire de l'alcool, kadhalik, celui qui boit de l'alcool, s'il l'a fait, c'est que c'était destiné, ça fait partie du qadar. Pour les différencier, celui qu'Allah il aime, parmi les deux actions, matalan. Allah il aime la salat, fait tu dis qadari et shar'i. Bien sûr, s'il l'a fait. S'il ne l'a fait pas, c'est qu'un hukm shar'i. Ce qu'Allah il aime pas, Azza wa Jalla, si quelqu'un le fait, fassimina al-hukm al-qadari. Tu ne dis pas al-shara'i. Al-shara'i, c'est ce qui fait partie de notre dîn. Et boire de l'alcool, ça ne fait pas partie de notre dîn. Bel, c'est interdit. Hadha al-dhabit, il est important. On le répète. Wa man fa'ala ma yudad dalik faqad wujida fihi al-hukm al-qadari. Fa innama fa'alahu waqi'un biqada illah wa qadari. Wa lam yujad fihi al-hukm al-shara'i likounihi taraka ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Vu qu'il a délaissé une chose que Allah il aime, Allah il aime quoi? Allah il aime qu'on ne boit pas de l'alcool. Si tu bois, tu as délaissé hada. Donc, hada, tu ne peux pas dire que c'est un hukm shar'i. Hukm shar'i, Allah il aime. Mais vous, haqiqa, il a résumé huna bi kalam wadih. Et avec l'exemple qu'on a donné, as-salat et boire de l'alcool, fa bi idnillahi azza wa jal, c'est assez clair. قال فالخير والشر والطاعات والمعاصي كلها متعلقة وتابعة لحكم للحكم القدري تأمل لدو في الحكم القدري فالخير والشر والطاعات والمعاصي le bien, le mal, l'obéissance, la désobéissance, tout ça c'est lié au حكم قدري. Pourquoi? Parce que quelqu'un le fait, bien sûr. Pourquoi tout ça c'est lié au حكم قدري? عند من تفضل. On veut le mot qadar. Celui qui fait la salat, est-ce que ça fait partie du destin? Répondez. Non. Non. Celui qui boit de l'alcool, est-ce que ça fait partie du destin? Enfin, c'est le qadar et c'est le qadar. Al-hukm al-qadari, que ce soit le bien ou le mal. Thumma qal, wa ma yuhibbuhu Allah minha huwa tabi'un li al-hukm al-shar'i. Donc tout ce qui se passe, ça fait partie de l'hukm al-qadari. On n'est pas fait l'irada. On est fait l'hukm. Fait l'hukm, c'est forcément, il le fait. Hatta, vous ne mélangez pas avec le reste. Huna, tout ce qui se passe sur terre, c'est biqadarillah. C'est l'hukm al-qadari. Si on te demande une chose, est-ce que ça fait partie du hukm al-qadari ou shar'i, n'ai aucun doute au départ du hukm al-qadari. Est-ce que celui qui a fait la salat avec nous, al-asr, est-ce que c'était mené l'hukm al-qadari? Dis oui. Wahed, il est en train de faire... Il vole, mathalan, en ce moment, ou il a volé il y a quelques minutes. On te demande, est-ce que ça fait partie du hukm qadari? Na'am. Pourquoi? Parce que ça s'est passé, ça fait partie du qadar. Thumma, le hukm shar'i, tu regardes ce que Allah il aime, c'est le hukm shar'i. Ce que Allah il aime pas, c'est pas le hukm shar'i. On revient à notre exemple. La salat et le vol, donc on a dit hukm qadari, hukm qadari. On revient à la salat, est-ce que c'est aussi un hukm shar'i? Les ma'adha? لأن الله يحب الصلاة. Le vol, est-ce que c'est un hukm shar'i? لماذا? لأن الله لا يحب السرقة. بل il a légiféré une sentence pour le voleur ou contre le voleur parce qu'il n'aime pas هذا الفعل, c'est de l'injustice. هذا كلام الشيخ سعدي رحمه الله والله أعلم كما قال. ومن آثار هذا الاسم الحكيم فالله سبحانه وتعالى له الحكمة الكاملة أن الله سبحانه وتعالى يحب الحكمة الله يلام الحكمة donc l'insan il fait des efforts pour avoir de la hikma, mettre chaque chose à sa place. Il y en a celui qui ne met pas les choses à sa place, il tombera في الظلم. وقد تقدم معنا أن الحكمة c'est lié avec quoi? Avec l'ilm. La hikmah, c'est lié avec l'ilm. Donc pour avoir de la hikmah, il faut avoir du ilm. Celui qui n'a pas de ilm, il ne pourra pas avoir de hikmah. Il ne pourra pas mettre les choses à leur place, il ignore. Donc, هذا الاسم الحقيقة سيمبليك أنه في ديزي فور في العلم حتى celui qui a du ilm et يوفق بإذن الله عز وجل il aura de la حكمة. Et كما قال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله سبحانه وتعالى donne la حكمة à qui il veut et celui à qui Allah سبحانه وتعالى et il a donné la hikmah, Allah lui a donné un khayr azim. Et ça va impliquer autre chose, un shukr, annahu, il soit reconnaissant. Wa hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la hasad illa fi tnatay. Pas de jalousie, sauf dans deux cas. Al hasad huna, c'est pas al hasad al-madhmoum. Al hasad, la jalousie, la mauvaise jalousie, c'est de vouloir que la ni'ma de son frère elle disparaisse. Hada, c'est grave. Ama celui qui espère avoir comme lui et il l'envie, on peut traduire par envier, c'est rubbama aqrab. Hada, c'est matlub dans certains cas. Sans bien sûr espérer que le bienfait de ton frère il disparaisse. Faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam la hasad illa fi fitnatayn wa rajulun ataahu Allahu malan fa sallatahu ala halakatihi fi al-haq. Le premier cas, un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a donné de l'argent et il le dépense sans compter fil haq. Hada haqiqa, tu vas l'envier. Limadha li anna avec hada al-mal, il va faire un khayr azim que toi, si tu n'as pas l'argent, tu ne pourras pas le faire. Wa thani, qala wa akhar atahu Allahu al-hikmah, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Le deuxième homme ou la deuxième personne, Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné al-hikma et هذا الرجل avec هذه الحكمة il fait du khayr. يقضي بها, il met chaque chose à sa place, il conseille, il a akhir et كذلك il l'enseigne aux autres. Et قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها, ça montre le lien clair entre al-hikma et l'ilm. Al-ilm, celui qui a de la hikma, s'il a du ilm, il pourra l'enseigner. Mais واحد qui n'a pas de ilm, c'est qui n'a pas de hikma, il ne pourra pas l'enseigner. وهذا والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. إيه الحمد لله استفدنا كثيرا في هذا الدرس.